Les Vosges, samedi. Ça lui dit à Hélène Ingré, qui vous livre ses bons plans vosgiens. Ça vous dira aussi à vous, auditeurs des Vosges, samedi, le samedi sur Radio Caraïbes Nancy, 90.7 FM, sur les Grands Nancy, et de 13h à 13h30, et lors de la rediffusion, le dimanche à 6h. Et sur Radio Gemozo, le samedi à 8h30, au 107 FM sur les Grands Remiremont. Bonjour auditrices et auditeurs, je devrais dire auditrices, parce que si vous étiez avec nous dans ce studio, ou auditeurs, eh bien il y a beaucoup de jeunes filles et quelques jeunes femmes. Et donc cette émission des Vosges du 1er juin 2019, vous regardez bien la date au chaud parce que vous pouvez la réécouter notamment en podcast sur nos différentes antennes. Et entre autres sur RCN, www.rcn-radio.org. Donc, cette émission du 1er juin 2019 sera rediffusée car nous allons aborder avec nos invités une action qui va se dérouler sur les mois, peut-être même vraisemblablement, les deux années à venir. Alors, tout d'abord, notre invité de marque, Aïssat. Bonjour Aïssat. Bonjour, merci. Et comment on pourrait, pour les personnes qui ne peuvent pas, qui ne vous connaissent pas, comment on pourrait vous... Ben, présentez-vous. Qui est Aïssat? Parce qu'elle a plein de casquettes. Enfin, là, ce n'est pas une casquette, c'est un... Comment ça s'appelle? C'est un foulard, alors enturbané. C'est pas mal, enturbané, j'aime c'est, bien. C'est vraiment beau en plus. Merci. Et donc, alors, Aïssat, bien sûr... Vous, auditeurs des Vosges samedi, vous connaissez Aïssat parce qu'on essaye de la passer souvent parce que c'est vraiment très intéressant ce qu'elle dit et la façon dont elle le dit. Mais Aïssat, c'est certes une actrice, une chanteuse, ce n'est pas qu'une actrice et qu'une chanteuse. Vous êtes, puisque justement, aujourd'hui, vous êtes accompagnée par beaucoup de personnes. Oui, j'ai la chance d'être entourée de futurs éducateurs jeunes enfants, ou je ne sais pas comment on dit, éducatrices jeunes enfants. Et donc, avec ma sœur, pas même mère, pas même père, qui est à ma droite, on a décidé depuis, donc là c'est la deuxième année, de participer à leur formation en fait. Voilà. Alors, la sœur qui n'est ni le même père, ni le même mère. D'autant plus que vous êtes pas... Mais ça sera l'illustration d'ailleurs de notre première pause musicale. Vous êtes couleur chocolat, Aïssat. Absolument. Et alors, vous êtes... Juliette Sissoko. Donc, pas même père, pas même mère, mais même grand-mère. De cœur et de culture. Alors, blonde autant que Aïssat est brune. Et puis, justement, avant cette pause musicale, eh bien, cette formation d'éducatrice, d'éducateur, hein, puisqu'il y a peut-être... Alors, question à Neuro, j'avais dit que je ne piégeais pas. Dans cette promotion, alors je me tourne vers ma droite, vous êtes alors... Alors moi, je suis Emma, en deuxième année d'éducatrice de jeunes enfants. Alors, est-ce qu'il y a des hommes dans cette formation? Il y en a un seul. Oh, il doit être bichonné. Ben oui, c'est bien, c'est bien. Et ça ne demanderait qu'à être davantage accentué. Oui, c'est sûr. C'est une formation qui est ouverte aux hommes comme aux femmes. Donc, on en attend plus. Et donc, en quoi consiste cette formation? Et pour des personnes qui nous écoutent, qui souhaiteraient la suivre, ben, Où doivent-elles s'adresser? Quel niveau est requis, etc. Mais d'une façon très, très sommaire, mais pour avoir un peu une idée. Elle est accessible à partir du bac ou d'un CAP petite enfance. Elle a une durée de 3 ans, mais c'est coupé avec différents stages de plusieurs durées dans des crèches ou des lieux de protection de l'enfance ou dans le médical. Et puis ensuite, cette formation, elle est dispensée où sur le, enfin, je vais dire sur le Grand Est, mais sur la partie Lorraine, on va dire. Sur le Haut-du-Lièvre pour l'IRTS de Nancy et à Bourg-Saint-Martin pour l'IRTS de Metz. Mais c'est l'IRTS de Lorraine, donc les deux. Les deux, mais se déclinent. Voilà, c'est l'Institut régional du travail social qui se trouve d'une part à côté de Metz. Il y a une antenne sur, enfin une antenne, il serait content. On va dire, ils se répartissent et sur Metz et sur Nancy. Oui, c'est ça. Et puis, ça tombe bien parce que maintenant, nos nouveaux studios sont donc effectivement à quelques centaines de mètres de l'IRTS. Pour que vous qui voulez nous rejoindre, alors quand je dis les nouveaux studios sur Nancy, hein, on n'oublie pas que effectivement, les Vosges samedi, c'est également sur notamment le Grand Remiremont. Et on n'oublie pas d'ailleurs le Grand Remiremont. Remiremont, c'est la confluence de la Moselotte et de la Moselle. Et Aïssat est issu de cette haute Moselle, en fait. Absolument. Nous, on appelle ça les Hautes Vosges. Excellent. Et on est super fiers de venir de là. Alors, plus particulièrement, vous venez du secteur du Tillot. Oui. Du Tillot. Et le secteur du Tillot donne justement, alors par rapport à ce que nous aborderons après cette première pause musicale, justement, il y a une action qui commence par le Tillot. Le Tillot Foot à Tour. Alors, qu'est-ce que c'est le Tillot Foot à Tour? Juste pour donner un peu un avant-goût, pour aiguiser la curiosité de nos auditeurs. Alors, c'est une tournée. Une tournée festive, on peut dire aussi humanitaire. Et donc, en fait, l'idée, c'est de partir du Tillot et d'aller jusqu'en Afrique de l'Ouest, dans mon autre pays, en fait, dans mon village. Où, en fait, on aimerait bâtir un centre interculturel de tout un tas de choses, hein, parce qu'il faut nommer les choses. Mais nous sommes aussi pris par l'urgence du quotidien. Et donc... Avant de penser au centre artistique, il faut d'abord un centre de soins et aussi donc les enfants, bien sûr, c'est mon dada. Et du coup, là-bas, ils ont aussi besoin d'aide. Et donc, je pense que les enfants comme nous, qui sommes nés de parents étrangers, sommes là un peu pour établir des ponts entre les deux rives et faire en sorte qu'on puisse décoder un peu les codes culturels, puisque... Moi, ce que je constate aussi, malheureusement, c'est que on se connaît pas si bien que ça, en fait. Et ça fait de la peine, parce que ça laisse la place à tout un tas de choses qui ne nous honorent pas, en fait. Et l'ignorance, c'est la première, le marchepied, déjà, à toutes les autres choses d'intolérance, entre autres. Allez, notre première pause musicale avec Aïssat, couleur chocolat, ça s'impose. Hey, mec, qu'est-ce que tu fais là? Bah, je suis venu chercher un foin. Ah ouais? Mais t'étais pas marié, mec? Je suis marié, mais frère, tu sais, en Guadeloupe, on peut avoir 4 femmes. Hein. Ouais, mais t'as vu ici, c'est casse-pipe, les meufs, elles obéissent pas, elles ont un sale caractère. Eh, hey, papa! Si elles obéissent pas, tu les mets un bon gifle dans son figure, frère, elle va pas se relever, jamais, jamais, jamais. Ah, tu sais, en France, c'est pas possible, hein. Quoi, avec ni pute ni soumise, pas de la marraine. Ni pute ni soumise, c'est quoi ces conneries là? Bah ouais, mais c'est ça qui est chiant. Tu peux rien faire. Chez nous, on a qu'à ça, mais ça suffit. Y'a pas de pute ni de soumise. Nous, le fils, c'est dans leur cuisine. On leur donne le riz, il fait la colombo et fait quoi. On bon gifle. Ça, c'est bien ça. Mais tu sais ce que tu me dis là, c'est vrai, hein, j'ai un pote, il a tapé sa femme. Et depuis, elle est guérie. Hein. Bah c'est ça l'éducation. De l'éducation entière, c'est comme ça, frère. Ouais, il lui a mis 2-3 gifles et tout. Tac, la pauvre est à l'hôpital, elle a compris. Non, ouais, mais c'est sûr, il y en a marre avec lui, tu m'offres jamais de cadeaux, patati, caca. Hein? Mais bon, toi tu sembles avoir la technique, faut que tu montres. Oui, j'ai la technique, tu le mets un bon gif, tu le donnes un verre de rhum, un sac de riz dans leur cuisine, et c'est fini! Chez moi, à vous qui dites de moi que je suis là. attraper. Je préfère rester sincère envers vous et vous avouer vos bonnes manières, ça y est, je peux m'en faire une petite idée. À vous qui dites d'une fille que sa place est derrière les fourneaux. Le seul but de sa vie, c'est d'abord d'élever ses marmots. Je préfère rester sincère envers vous et vous le dire tout haut. Respecte l'homme qui t'a porté, remercie le bon Dieu. Couleur chocolat, fille ici et là-bas, fille couleur chocolat, partout je veux me sentir chez moi. Conditionné depuis jeune âge pour répondre sous le poids des coutumes, y a pas de lézard, ce qu'on attend de toi c'est de combler les lacunes. Ces chers messieurs apparemment n'éprouvent aucun scrupule à faire de toi une femme soumise à leur loi ridicule. Ce qu'ils veulent, c'est une femme qui file droit, pas de répit avec eux, y a aucun droit. Ils veulent une femme prête à l'emploi, donne-moi celle-là, je crois qu'elle est faite pour moi. Sur des cultures, pour moi c'est vital. Le mur qui se dresse en face de moi est plus dur que du métal. La cause me paraît juste je bats pour garder le moral. À vous qui dites d'une fille qui rêve de liberté, c'est juste un caprice, ça finira bien par lui passer. Je suis décidé, ma bouche l'ouvrirai tant que j'aurai de quoi me plaindre ces hommes qui prennent les filles pour des connes. Que Dieu me donne le courage d'affronter tous ces hommes qui n'ont qu'une seule idée, faire une femme une bête de somme. En somme, je veux la paix dans le foyer. Aïssat, couleur chocolat, c'est un premier morceau que nous entendrons dans cette, que nous venons d'entendre dans cette émission des Beaux Samedis, et nous entendrons un autre morceau d'Aïssat, et trois déjà CD à son actif, hein, je ne me trompe pas Aïssat, hein. Trois CD, et justement Aïssat est notre invitée, mais avec également un grand nombre, certainement une partie de la promotion de ces étudiants éducatrices, éducateurs, je dis éducateurs parce que bon, ça peut donner des vocations à certains messieurs, même surtout des dames qui sont présentes ici dans nos studios, éducatrices de jeunes enfants, éducatrices en formation, donc de jeunes enfants, avec Juliette Sissoko, justement, qui est à côté d'Aïssat. Alors, Juliette, est-ce que vous pouvez nous expliquer l'articulation entre cette formation donc dispensée à l'Institut Régional de Travail Social, donc en ce qui concerne les personnes présentes ici, donc sur Nancy, sur le plateau de Haye, où nous nous trouvons d'ailleurs quand nous enregistrons, et puis le projet dont vient de parler Aïssat. Oui. Alors, Aïssat disait qu'on était sœurs, et je pense que c'est parce qu'on partage un certain nombre de valeurs, toutes les deux. Et notamment, donc avec les étudiantes EJE deuxième année, on a envie de partager un petit peu de ce qui fait de notre essence. Et notre essence, c'est quoi? C'est le partage, c'est la transmission. Et c'est les valeurs qu'on a vis-à-vis de la petite enfance. Je pense qu'Aïssat, comme moi, On est très attaché à une certaine vision de la petite enfance et de permettre aux enfants d'avoir accès à l'art et à la culture, où qu'ils soient, dans le monde, en Mauritanie, au Sénégal, en France, dans des quartiers populaires, dans des quartiers plus aisés. Et pour ça, on les accompagne sur cette semaine de techniques éducatives autour de l'éveil musical, du chant, des comptines. Et on fait le tour un peu de plein de structures sur Nancy et à la campagne et dans des quartiers populaires pour les mettre directement en contact avec les enfants et leur transmettre un petit peu de notre façon d'amener la musique, d'amener l'art et la culture. Et alors, c'est intéressant qu'ils puissent venir effectivement dans une radio associative locale, parce que justement, il y a beaucoup, un certain nombre d'émissions qui ont le privilège presque, parce que, mis à part les radios associatives, pour parler, pour faire entendre l'expression des acteurs du terrain localement, il y a peu de micros qui s'ouvrent, on va dire. ou s'ils s'ouvrent, c'est vraiment pas longtemps. Donc, cette liaison est justement une autre liaison qui... Alors, de la part d'Aïssat, vis-à-vis de cette action en, direction, en lien avec l'Institut Régional du Travail Social, il y a aussi un aspect très pécunier qui intéresse le projet Aïssat. Oui, de toute façon, je fais ça pour l'argent. Eh oui, mais le problème, c'est que l'argent, vous ne le mettez pas que dans vos poches. Et surtout, et ce sont des poches très percées qui communiquent avec d'autres poches. Oui, elles sont. C'est vrai qu'elles ont des trous, les poches. Et donc, non, je plaisante, mais disons que c'est une manière d'œuvrer dans ce que l'on croit être juste pour soi. Donc, ce qui est mon cas pour moi. Et donc, je trouve que c'est un bon échange. Et en plus, le fait de rencontrer aussi ces personnes, ça nous enrichit. Ça m'enrichit, j'espère que ça les enrichit aussi. Et ensuite, on peut aussi tisser des vrais liens. Et ça peut peut-être aussi leur donner des idées dans leur cursus ou bien plus tard de porter aussi des projets et puis de venir les présenter ou autre, quoi. Mais c'est vrai que l'argent est très important, parce que nous sommes une association, nous n'avons aucune subvention, c'est vraiment les ateliers et ce genre de choses qui ramènent les sous-sous dans la poche trouée. Pour aller dans une grande poche qui est ce projet, notamment le TIO Foot à Tour, donc projet culturel et humanitaire, pour faire large dans sa description comme vous nous l'aviez présenté. Une nouvelle pause musicale et ensuite on donnera quelques indications justement pour vous retrouver prochainement, puisque cette première diffusion des Vos Chamdis c'est le 1er juin, mais surtout aussi d'autres adresses, dont des adresses électroniques pour se tenir au courant de votre calendrier à venir. Allez, après Couleur Chocolat Indigène, Aïssat. La nature est bien faite, comment pourrait-on la nier? Ma façon de vivre n'est pas la tienne, est-ce une raison pour la juger? Indigène est mon nom, j'ai reçu mes galons le jour où j'ai fait la rencontre avec l'Occident. Avec l'Occident. Je marche pieds nus dans mon village, pour eux je suis sauvage. Ah, ma vie n'est pas qu'une image, elle est bien plus qu'une fantaisie. Dans vos yeux je vois du mépris, je lis la peur sur vos visages. À vos yeux je suis sauvage, suis sauvage, on comprend pas mon langage. Suis sauvage, indigène est mon nom. J'ai reçu mes galons le jour où j'ai fait la rencontre avec l'Occident, avec l'Occident. J'entends dire que les peuples gênent l'expansion du monde moderne. Autant dire qu'il vaudrait mieux les laisser vivre ailleurs, sur une autre planète. D'abord exhibés comme des marionnettes, ces peuples sont voués à disparaître. Être indigène est mon nom. J'ai reçu mes galons le jour où j'ai fait la rencontre avec l'Occident, avec l'Occident. La terre est mon joyau, mon berceau, mon tombeau, mon fardeau est mon horizon. Tant pis pour moi si mon temps m'est compté, je mérite même pas d'être considéré comme ayant droit à cette belle vie privée. Seins nus au soleil, sans photo ni télé. Indigène est mon nom, j'ai reçu mes galons le jour où j'ai fait la rencontre avec l'Occident, avec l'Occident. Je me barbouille le visage, à vos yeux je suis sauvage, suis sauvage. On comprend pas mon langage, suis sauvage. Indigène est mon nom, j'ai reçu mes galons. Oh, il y a très longtemps. Oh, eh, eh, ah, ah, ah. Indigène est mon nom, j'ai reçu mes galons le jour où j'ai fait la rencontre avec l'Occident, avec l'Occident. Indigène avec Aïssat Par, interprété par Aïssat, qui est notre, notamment une de nos invitées dans cette émission Les Vos Samedis, première diffusion le 1er juin. Et justement, dans les semaines à venir, alors on va retenir deux dates. Alors il y a tout d'abord le vendredi 7 juin à la MJC du Haut-du-Lièvre, où vous pouvez retrouver Aïssat un peu en concert et beaucoup en présentatrice. Oui. Voilà, présentatrice de jeunes talents du secteur, donc du plateau de Haye, notamment. Oui, oui, oui. Et en concert également, donc, le 19 juin. Oui. Toujours à la MJC du... Oui, oui, en fait, c'est sur le plateau et c'est dans le cadre de la fête de la musique. Donc, on va voir où c'est qu'on se pose. D'accord, pour jouer donc, le 19 juin. Mmh. Et puis, pour vous, auditeurs des Vosges Samedi, qui nous écoutez notamment sur les Vosges, et puis également, bien entendu, à travers la galaxie, si vous allez sur, entre autres, le www.rcn-radio.org ou radiogemouzo.eu, eh bien, pour avoir des informations concernant, justement, l'évolution de ce projet, le TIO Foot à Tours, Aïssat, nos auditeurs, ils doivent pianoter avec leurs petits doigts sur quel site? Alors, ils peuvent liker déjà sur la toile, hein, Chanson du Monde au singulier. Ils peuvent également nous retrouver sur le site aïssat.com où il y a une petite page. Après, ceux qui me connaissent savent très bien que je fais ce que je peux, hein, en fait, pour tenir à jour tout cela. Et sinon, j'ai oublié de parler aussi du 2 juin. En fait, nous serons au TIO à l'occasion de la fête de la foire au beignet. Attention, c'est une fête internationale. Et annuelle, à 2 juin. Oui, une fête populaire, c'est là-bas que ça se passe et tout ça. Alors, si le cœur vous en dit, bah, vous êtes les bienvenus pour goûter toutes sortes de beignets, tout style, toutes les couleurs. Là-bas. Donc le TIO, donc dans les Vosges, Haute-Moselle, Aïssat, GPL, AI2SATE. Yes, merci beaucoup Hélène. Eh bien, merci à vous toutes d'être présentes. Alors au nom des étudiantes éducatrices jeunes enfants, donc merci à vous Emma. Merci beaucoup, merci à toute l'équipe de nous avoir accueillis. Et puis, ben, merci Juliette. Merci à vous. Et merci bien entendu à Aïssat. Mille merci, Ondiara. Et merci à Thomas pour cette mise en onde, ainsi qu'à Lia pour Gemouzo. Et puis on se termine par notre générique de fin, que les Vosgiennes sont belles. Les Vosgiennes avec cette parodie que La montagne est belle de Dominique Walter. À bientôt dans les Vosgiennes. Les excités de la montagne. Le froid n'est pas près de les congeler. À la Mirabelle, ils se sont damnés. C'est leur carburant vital. Pourtant, on n'en fera pas des centenaires. Car quand ils grimpent sur mes mers, ils assurent comme des malades. Et y'a que le soir après le boulot, le brame du Vosgien fait de l'écho. Pour le plus grand plaisir des dames. Pourtant, que les Vosgiennes sont belles. Comment ne pas être excité quand tombe culotte et jartelle et tous les moineaux se mettent à chanter. Après 5 jours de labeur, le bon Vosgien se met en cœur pour une bringue infernale. Alors on sort le vin de groseille, maman se met le vernis aux orteils et papa son caleçon de bal. Et puis, dans la soirée bien avancée, le caleçon tombe sur le plancher. Le Vosgien est de fort bonne race. Et puis, mesdames, vous vous remuez et tout le bazar est animé. Ça élimine la matière grasse. Pourtant, que les Vosgiennes sont belles. Et comment pas être excité quand tombe culotte et jartelle, tous les moineaux se mettent à chanter. Le dimanche arrive à grands pas, après la bouffe, la gueule de bois, il faut éliminer les scories. Alors on va écouter le brame du cerf, car dans la soirée de toute manière, ça peut redonner des envies. Alors on coince maman derrière le tas de bois, et quand elle a fait pipi pourra, on a droit encore à une partie. Mais la tête ne commande plus les pieds, on a l'intestin fort déréglé, quand on a bouffé trop de lentilles. Que les Vosgiennes sont belles. pas être excité. Quand tombe culotte et jartelle.